Mais c'est bien le fond, ça donne du goût, c'est tout. Aïe, te vois télé là, ça. C'est pour... Ça va? Oui, ça va. Oui, voilà, du, ah oui, voilà, l'huile, on a besoin. 5 litres. Bah, je prends ça et le jumbo. Ah ouais. Ouais, les épices sont pas pareilles. Mélange plein d'épices, c'est pas pareil. C'est des magies. Il y a magie poulet, magie crevette, cube normal. Bah, c'est maintenant, ils en fabriquent tellement. Magie poulet, magie crevette, magie légumes, magie feuilles de manioc, que les Aïrois appellent magie pondou. Il y a tous les essences. Magie, en fait, le mets que tu veux préparer, maintenant, ils en fabriquent. Mais je sais qu'à l'époque de mes parents, ils n'utilisaient pas les magies. Nos grands-mères utilisaient les crevettes en poudre. Dans toute l'Afrique, tu vas au Cameroun, tu vas au Bénin, tu vas au Togo, tu vas au Sénégal. C'est ce que les Africains utilisent. Il n'y a pas cet Africain-là qui n'utilise pas le magie. Peut-être nos mets demandent pour avoir le même goût. C'est à cause de ça qu'ils utilisent ça. Moi-même, j'aime bien quand je fais la cuisine, mais il faut du cube. Cube magie, crevettes, tomates. Mais c'est une question de goût et de senteur. Si je fais une sauce africaine, je ne peux pas avoir tous les condiments là. Et donc, je trouve mon produit, je trouve ma sauce. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Si on ne trouve pas sur place, qu'on trouve le cube, bon, ben, ça remplace largement. Puis c'est propre, hein, emballé et tout, bon, voilà. Sans bouillon, on ne peut pas faire à manger. Sans ça, il n'y a rien. C'est amer. Mes enfants, ils ne mangent pas, ils savent la différence. Et vous savez que c'est qui magie en fait y a? Alors, c'est ça, je sais pas. Voilà, là, bonne question. Il faut regarder, attends, on va regarder. Mais la plupart, ça vient dans des pays de Mauritanie, hein. C'est fabriqué. Regardez, c'est écrit en arabe. Bouillon. Moi, le mot magie ne me dit absolument rien. Magie, magie, c'est eux qui ont donné ce mot-là. C'est les Européens qui ont des... Je sais pas la définition, ce que ça veut dire exactement, je sais pas. Je sais que magie, ça parle des cubes en Afrique. C'est tout, hein. À part ça, je sais pas. Non, parce qu'il y a des bouillons aussi. Alors, Nestlé, c'est ça. Société produit Nestlé. Société produit Nestlé. S'il te plaît, tu peux m'aider pour ça, là. Il dit pourquoi ça nous plaît autant. Ça, c'est, par exemple, c'est fabriqué par Nestlé. Et pourquoi c'est nous, les Africains, on aime utiliser ce produit? Première raison, à mon avis, c'est la propagande autour de ça. Avant les infos, après les infos, il y a une publicité qui passe autour des différentes épices, et notamment les cubes magie, et qui va beaucoup passer à la télé, et que c'est bon. Dans la publicité, je m'en souviens, t'as une femme qui va porter un plat de kep et tout. Et derrière, on voit son mari et les enfants qui mangent. Et lorsqu'ils auront fini, le monsieur, il va... Le plat, il est complètement fini, quoi. Il va... Qu'est-ce que t'as utilisé? Quel est ton secret? Le slogan, c'est s'attendre surtout à attirer les femmes à utiliser plus ces produits-là, histoire de pouvoir retenir leur mari à la maison. Voilà, à peu près quelque chose de ce genre-là. C'est histoire de faire marcher. Puisque à la base, à la cuisine, c'est les femmes. Et au marché, les gros vendeurs, c'est les femmes qui sont grossistes, tout ça. Donc, elles aussi, elles font le suivi. Ouais, de la publicité. Succulent tiboudiab du lundi, délicieux tiboudiab du mardi, savoureux yassa du mercredi. Parce qu'il est important de réussir tous vos plats, Magie Tablette donne ce goût unique à toutes vos préparations. Toi, c'est tous les jours. Et pour encore plus de saveur, ajoutez Magie Safsafal pour vos viandes et Magie Nokos pour vos poissons. Magie Tablette, un goût unique 7 jours sur 7. Moi et Magie, le secret du bonheur. C'est un produit où c'est très facile aussi de cuisiner. Avec, par exemple, quand j'allais à l'école, à 10h, c'était la récré et tout, on achetait des sandwichs. Et ces sandwichs, c'est des morceaux de pain, des baguettes, mais la sauce, c'est à la base des oignons. Oignons, huile, et après ces cubes Magie. Très bon dans le pain où on mangeait vraiment ça et ensuite... Voilà, derrière, tu pouvais boire un litre d'eau, tu as toujours le ventre plein. Donc c'est rapide de faire une très bonne sauce à partir de ces produits. Moi, j'ai appris à cuisiner, c'est ici en France. À l'époque, quand j'étais au foyer, quoi, il y a des cuisines qui sont organisées dans nos chambres et tout. Donc c'est les plus jeunes qui cuisinent. Donc moi, ça va être le début pour moi de cuisiner. Et là, je vais vraiment utiliser le cube magie vraiment dans mes plats, quoi. Ça va m'accompagner après jusqu'à nos jours, quoi. Donc, c'est magie. Est-ce que c'est la magie de la cuisine? Et c'est quoi? Ça reste la magie pour nous parce que ça rapporte toujours quelque chose au plat et qui est magique derrière. Ah, je vais faire un tchep chez moi, les amis vont manger, ils vont trouver ça super bon, t'as mis quoi? Bon, je vais dire j'ai mis cube magie. J'ai pas de retour des questions, qu'est-ce que c'est cube magie, à quoi ça sert? Et finalement, ça apparaît normal quoi, pour tout le monde, pour toute personne qui l'utilise quoi, en fait. Après, je ne sais pas ce que ça pourrait produire derrière. Alors, magie, bah, je mélange un peu de tout. Ça, c'est un nouveau truc, mais apparemment, mon mari me dit que ce n'est pas bien. Le Dolly, il me dit que ce n'est pas bon pour l'homme. C'est quoi qui n'est pas bon pour l'homme là? J'ai rien dit. C'est quoi qui n'est pas bon pour l'homme là? Là, là, on va prendre. Fais attention, prostate, hein, fais attention. C'est ouais, c'est quoi vous. C'est pour toi. Dolly. Quoi, c'est quoi ça? Dolly, c'est quoi? Le cube magie là. Ah bon? Ah ouais, moi, c'est pour la prostate parce ouais. Qu'il y a beaucoup d'Africains maintenant. Ouais, tu nous apprends quelque chose qui est bon. Ouais. Moi-même, le cube magie, j'aime pas ça. Moi, je préfère la gyofan. Le naturel, ce que le poisson. Tu vois? Ah ouais, vois. Tu vois là? Le poisson qu'on prend. Voilà, genre comme ça là. À gyofan, voilà. Ouais. Le naturel, ouais. Moi, j'aime pas les, ça, c'est des produits. Mais c'est vrai que. Mais les Guinéens, toi, tu viens de la Côte d'Ivoire. Ouais. Mais ils prennent beaucoup de poissons secs, ils font. Ouais, c'est ça, les crevettes. Et moi-même, je mange beaucoup de gnagna. Tu vois le gnagna? C'est un truc amer comme ça, c'est comme la quinine, l'animatrice, c'est très bon. Mais ça sent très fort. C'est naturel, voilà. Ça sent très fort, alors là. Comme des trucs faits à base de choses. Non, mais moi je ne mange pas tout ça là. C'est pas bon? Non, c'est fait à base de conneries. C'est des... Ah bon? Ouais, ouais. Trop de mélange, voilà, c'est pas, on ne sait pas juste ce que ça contient. On préfère plutôt du naturel. Comme il a dit, la jovan qui est là, c'est du poisson qui donne du goût comme le cube magie, vous voyez. On préfère l'utiliser, c'est un peu plus naturel. Voilà, ça pousse normalement comme du bio, quoi. Enfin, une plante. Tu vois, ils font la pub, c'est normal, c'est les Européens qui font le cube donc pour pouvoir vendre. Mais sinon, c'est pas bon. C'est pas bon, ouais, il y a trop de puits. Qu'est-ce qu'on doit prendre encore? Attends, attends là, quoi. Ouais, elle doit me parler de tomates, je sais pas. De sauce, la sauce grecque. Non. Elle m'a dit de prendre des courgettes, elle m'a fait ça. Ça suffit pour le bouillon. Donc, on a deux images. 3,48 €.